et de commencer par un sens de votre bassin posé sur le matelas. Quelle partie de bassin est en contact avec le matelas? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus présent que les autres? Et après, notez dans le lombaire, dans le bas du dos, quelle partie touche moins. Et après, quand vous montez le dos, juste une image générale, où est-ce que vous avez un contact dans la cage thoracique, dans les dorsales, qui est clair? Qui est le bassin, qui touche franchement. Le bas du dos qui peut-être touche beaucoup, peut-être pas, ça dépend de qui à quel moment de la journée. Et le dorsal, quelle partie touche. Et si la tête touche quelque chose, et entre la tête et le cage thoracique, il y a cette partie de cervicale ou de dorsale qui fait une sorte d'arche qui peut-être touche un peu moins. Et de prendre un peu de temps de clarifier les images de la colonne vertébrale et de noter aussi si les parties qui sont sur la gauche ou la droite qui touchent plus. Parfois il y a une rotation dans la cage thoracique ou il y a certaines côtes qui touchent plus que les autres, peut-être un épaule est plus proche du sol. Et peut-être il y a un côté du bassin qui touche un peu plus. D'avoir un sens général de votre contact avec le sol, les autres parties de vous qui touchent et les autres parties qui ne touchent pas. Une impression générale. On va revenir vers la respiration. Dans la manière que j'étais, dans les transmissions de la méthode que j'ai vécue, on avait souvent parlé de le, et c'est plus difficile même en anglais de c'est pas une manière normale d'utiliser les mots, mais on parle de le modelage de la respiration. Dans le sens que la respiration est une sorte d'action qui a une forme. En fait, c'est la forme de l'espace qui est créé par les côtes, par le diaphragme, et une sorte de modelage de la respiration. Et la question, c'est comment vous êtes en train de moduler votre respiration. Okay. On va laisser ça. On plie les genoux pour avoir la plante de pied au sol. Et de croise la jambe droite sur la jambe gauche au niveau de cuisse, compliquement croisé. La cuisse droite sur la cuisse gauche, jusqu'aux cuisses. Ok. Et de porter votre attention sur le contact avec le bassin au matelas. Et notez si votre poids est un peu plus à un côté de la, du bassin, du sacrum. Mais commencez doucement et pas un grand mouvement, peut-être juste 5 cm, un truc comme ça au début. De basculer les deux jambes un petit peu vers la droite et de revenir. Donc les deux jambes vont aller un petit peu vers la droite. Le bassin va rouler un petit peu sur le matelas. Et après, vous revenez vers votre sens de vertical. Et ne pas aller sur la gauche, prenez juste vertical. Après, on va répéter ce petit mouvement. Et on commence petit, mais si vous sentez-vous que c'est fluide et ça ne tire pas, vous pouvez aller plus loin, mais ce n'est pas pour chercher un étirement, c'est pour chercher un mouvement qui continue, doux et continue, doux, qui ne saute pas trop, qui n'a pas le petit tic tic tic. Okay. Et maintenant, de refaire le mouvement une fois, lentement, avec les regards sur les différentes parties de la colonne vertébrale. Et de juste essayer de sentir en vous quelles vertèbres sont mobilisées, quelles tournent, quelle bascule, comment ça tire sur la longueur de la colonne vertébrale, mais posez votre regard sur la longueur de la colonne. Et peut-être vous sentez quelque chose jusqu'à les épaules, la tête, peut-être pas. Peut-être une sorte mieux de mouvement en revenant. Okay. Et on prend une petite pause la prochaine fois que vous arrivez en haut et de décroiser les jambes et allonger les jambes. Et on va recroiser les jambes, pardon, on va replier les jambes, on ne va pas les croiser, juste plier les jambes, avoir les plantes de pied au sol. Et on va, devant nous, on va mettre les paumes des mains ensemble, avec les bras longs dans la direction vers le ciel. Donc les coudes sont droits. Donc les bras sont longs. Et on va avoir les paumes des mains ensemble. Les paumes des mains, ouais, comme ça, collées ensemble. C'est cette forme de triangle qu'on utilise pour créer une sorte de forme, une sorte de contrainte. Et on va doucement, on va basculer, étendre, rouler cette triangle vers la gauche un petit peu. Et on utilise comme contrainte. Donc c'est pas le but d'aller très loin. Et on ne plie pas les coudes. Les mains ne glissent pas l'un sur l'autre. Et ça veut dire que le mouvement ne va pas venir de le coude ou de glissement des mains. Le mouvement va venir, et il y a un certain glissement de les omoplates qui sont possibles, mais après il y a une possibilité de rouler un peu le buste, on peut dire. La tête peut rejoindre, peut-être qu'il ne rejoint pas, je ne sais pas. Et aller plus vers la gauche. Et de continuer cette petite expression et d'explorer la relation avec la respiration. Donc, il allait un petit peu vers la gauche, cette forme. De faire avec différents. Respiration, une respiration, inspire ou une expire, ou une continuité de respiration. Et de continuer le mouvement, mais de aussi poser un peu d'attention sur le bassin et pieds, et voir si ça roule avec ou ça reste plutôt tranquille. Noter si le bassin participe, si un pied qui appuie un petit peu pour aller ou pas. Et d'explorer le mouvement aussi avec les mouvements de la tête, de laisser la tête participer dans votre image. Vous pouvez rouler dans la même direction peut-être. Peut-être l'image c'est que ça reste vers le plafond. D'avoir ça comme option, de rouler la tête avec ou de rester orienté vers le ciel ou le visage ou peut-être il même tourne un peu dans l'autre direction. Okay. Et de reposez-vous, prendre une pause. Et si vous portez votre attention sur votre contact avec le sol, est-ce que ça donne quelques informations de changement ou pas? De replier les jambes et de croiser les jambes droites sur les jambes gauches, comme avant. Et de basculer les jambes un petit peu vers la droite. Et de sentir ce chemin vers la droite, comment ça passe au niveau des colonnes vertébrales. Et est-ce qu'on peut sentir le mouvement un peu plus haut? Est-ce que ça bascule la tête? Est-ce que les... Qu'est-ce qui passe en relation avec les omoplates? Et après de revenir au menu. Une des choses qu'on fait parfois comme ça, on revient vers le mouvement de, on dit de test, ou les examens, je ne sais pas, une référence, mouvement référent, pour voir s'il a changé après une autre expression. Et dans cette leçon, on utilise ça un petit peu. On revient vers le mouvement et voir, bah, parfois ce n'est pas les distances qui changent, parfois c'est les distances, parfois c'est les qualités ou les capacités de distribuer l'attention, de sentir plus de détails dans le mouvement qu'aller plus loin. Peut-être que ça va changer dans la séance. C'est pour ça, parfois on revient vers le même mouvement. Et on revient au milieu et on décroise les jambes et on croise les jambes gauche sur les jambes droites. Donc on change le croisement. Et on bascule les deux jambes un petit peu vers la gauche. Et je recommande de commencer petit. Et par rapport avec le mouvement vers la droite, est-ce qu'il y a une différence en termes de distance, qualité? Vous pouvez faire des petites micro-pauses entre chaque répétition. Et on va répéter ce petit mouvement de basculer les jambes vers la gauche et de poser des questions au niveau des omoplates et de relation entre les colonnes vertébrales et les omoplates. Qu'est-ce que vous sentez? Et à quel moment vous le sentez? Et peut-être vous commencez à noter qu'il y a un mouvement de rotation, mais pas que. Et le colonne vertébrale, il est tiré dans une direction. Et peut-être ça va tirer jusqu'à le sens de que la tête est mobilisée et le menton est basculé légèrement vers le sternum, peut-être. Peut-être c'est micro, peut-être c'est passé très perceptible. Et on a cette question de où est la distribution de ce mouvement. Ok, on prend une pause. de sentir le contact avec le sol. De manière que le bassin, le bas du dos, les dorsales, les cervicales, la tête sont posées. Plier les genoux, avoir la plante de pied au sol. Et on pose les paumes de main ensemble devant nous, les bras longs. On a recréé ce triangle. Et on va basculer un petit peu le triangle vers la droite. Et de revenir. Et peut-être il y a un petit glissement de les sorties de l'omoplate gauche, d'abord, qui avance et glisse vers le devant par rapport avec les côtes, et après il y a les côtes qui commencent à rouler. Peut-être aussi. Et on va dire que les bras ont le droit d'aller vers la droite, mais aussi un petit peu vers le haut ou le bas. Ils ont, si ça bascule un petit peu en même temps, c'est OK. Et la prochaine fois que vous faites ça, laisse le bassin participer et laisse le pied gauche appuyer un tout petit peu. Juste pour avoir cette idée que on peut rouler aussi le bassin, c'est possible. Ça va changer le mouvement. Question de modelage de la respiration. Okay. Et de prendre une pause, poser les bras. Et de recroiser la jambe gauche sur la jambe droite. Et de basculer les jambes un petit peu vers la gauche. Ou vers la gauche. Pas forcément un petit peu. C'est pour sentir jusqu'à où on peut sentir ce mouvement maintenant. de la revenir au milieu. Et de décroiser les jambes. Et de croiser les jambes droites sur les jambes gauches. Et de interlacer les doigts et poser derrière la tête. Et donc, ce mouvement, on va basculer les jambes un petit peu vers la droite. J'ai déjà fait ça un petit peu. Ou pas très loin, une distance confortable. Facile, que tu peux aller plus loin, au moins loin. Et après, avec les aides des mains, les bras, les coudes vont être un peu plus proches de l'un de l'autre pour avoir que tu tiens bien la tête avec les mains. Et on va lever la tête dans la direction de jambes, pour au milieu, pour explorer la direction précise. Chaque répétition peut être différente. Et on lève un petit peu la tête. Et après, on le repose. Et pour faire ce petit mouvement de lève la tête, on peut avoir l'idée que la poitrine il glisse vers le bassin. Et le bas du dos va venir un peu plus proche du sol. Et la prochaine fois que vous faites ce mouvement, d'orienter, on lève la tête, mais on va imaginer qu'on va regarder plutôt le nombril. C'est une direction. Et après, on repose la tête. Et voir, on essaie de sentir les effets de ça. Et la prochaine fois, on lève la tête et on va regarder un peu plus vers les genoux. Donc c'est comme nous envie de toucher le nez, le genou avec les nez. Une autre orientation. Et après on repose. Oui, on peut décroiser les jambes. Repose la tête. On va se passer un moment de sentir les effets pour reposer. On va replier les jambes. On va croiser les jambes gauche sur les jambes droite. On va interlacer les doigts derrière les têtes. On va basculer les jambes un petit peu vers la gauche. On va doucement, on va lever la tête un petit peu dans la direction de les jambes, de la nombril. C'est à toi de voir. L'idée, c'est d'explorer la manière que ça vous mobilise différemment. Donc, chaque répétition, donc tu lèves la tête et tu la reposes. Et chaque fois que vous refaites un mouvement, vous variez un petit peu la direction de mouvement Ou comment vous faites le mouvement? Peut-être vous pouvez même initier le mouvement avec une idée que ah, je vais basculer mon bassin pour commencer d'avoir le bas du dos vers le sol et ça va initier le mouvement. Ou je vais initier le mouvement plutôt avec une idée d'expire. On a les jambes légèrement, laisser la jambe gauche sur la jambe droite, ils sont basculés un peu vers la gauche. Et peut-être pendant qu'on lève la tête, les jambes viennent vers le vertical un petit peu. Et on revient peut-être. Et après qu'on repose la tête, il tourne un peu plus vers la gauche du niveau. De diagonale peut-être qui est faite dans les flexeurs. Ok. Et encore peut-être une fois, surtout avec les questions de respiration, d'utiliser la respiration comme partie du mouvement. Et de poser la tête, de revenir avec les jambes, le petit coup, faire une pause. Dans ce genre de mouvement, c'est une opportunité aussi de poser des questions est-ce que je fais un effort qui est nécessaire ou trop ou pas? Souvent, surtout quand on allait dans le mouvement, les mouvements qui sollicitent plus d'action musculaire. L'essence du mouvement peut être dans l'imagination, d'avoir un regard sur quelle vertèbre va aller vers le sol, quelle va se lève en quelle direction. Et le mouvement même, et la force dans le mouvement même, il est moins important. On va juste plier les jambes et de croiser les jambes gauche sur les jambes droites. Et de laisser basculer les jambes vers la gauche. Et de revenir. Donc c'est d'aller vers la gauche et là. Sentez le mouvement de respiration. Ah. Et de décroise les jambes et de croise les jambes droites sur les jambes gauche et d'aller vers la droite. Sentir ce côté. Décroise les jambes et d'allonger les jambes, les bras. portez votre attention sur le contact avec le matelas. L'espace entre le bas du dos et le matelas. Et les sens des dorsales sur le matelas, les côtes. Ok. Et de plier les jambes, avoir les plantes de pied au sol. Et avec la main gauche, on va attraper le bas de l'omoplate droite ou les côtes à côté. Et avec la main droite, on va passer complètement au-dessous et on va rester sur l'épaule gauche, sur le haut de l'épaule gauche. Et doucement, on va commencer de rouler la poitrine, la poitrine, la tête, vers la gauche. Et la main gauche qui est sur les côtes droites, sur l'omoplate droite, peut encourager. On peut rouler vers la gauche et la main gauche qui est sur les côtes là, elle peut accompagner le buste vers la gauche. Donc la tête, le buste peut rouler un peu vers la gauche et c'est la main qui peut. Et la main droite, il peut détacher du corps, on peut dire pour celui-ci, et il peut traîner un peu vers la droite. Il peut, tu vois, les doigts pour pas être crasé. Si on roule la poitrine un petit peu vers la gauche, il faut qu'on lâche un peu la main droite pour ne pas rouler dessous. Et après, on va revenir au milieu et on va rouler le buste vers la droite. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va encourager ou accompagner le côté gauche du buste vers la droite. Et la main gauche va lâcher pour ne pas être crasé. Il va un peu caresser avec les... Il va toucher le sol, mais il va détacher comme tu as envie d'aller plus loin, attraper quelque chose vers la droite. Et après, tu roules doucement vers la gauche de nouveau. Donc, on fait gauche-droite. Assez doucement. Et on va commencer d'explorer la possibilité de bouger un petit peu les mains pour encourager, accompagner différentes parties. Alors, la prochaine fois que tu vas vers la droite, la main droite peut aussi attraper un peu les jonctions entre l'épaule et les cervicales. Et peut juste être là pour accompagner différentes parties pour adoucir le mouvement. Et également, quand tu roules vers la gauche, c'est la main gauche qui peut prendre plutôt les côtes proches de l'omoplate, plutôt bas. C'est à toi de décider. Et l'idée que c'est pour éveiller, encourager cette partie d'être présente dans le mouvement et d'être doux avec toi. Et on continue de faire gauche, droite, et chaque fois on peut bouger la main qui accompagne un petit peu, plutôt vers la cervicale, même jusqu'aux têtes peut-être. sais pas où c'est facile, mais avec cette idée d'accompagner le mouvement. Et de venir au milieu. Et de changer quel bras est en bas et quel bras est en haut. Et de continuer ce petit jeu de rouler un petit peu vers la gauche et vers la droite. Et imagine que les mains qui accompagnent peuvent aussi accompagner la respiration. Peut-être même il peut sentir la respiration ou on peut diriger la respiration vers une partie de toi. Et on va incorporer un peu plus consciemment le mouvement de les yeux et la tête. Donc la tête et les yeux vont rouler dans la même direction que le buste. Et même pour regarder, comme nous avons vu, regarder la main qui est détachée là, regarder vers le sol. Ok, viens au milieu et prends une petite pause au milieu. Noter la respiration de manière que vous êtes en train de respirer. On va replier les genoux et de nouveau on va poser la main droite sur les côtes de gauche et la main gauche sur l'épaule de droite à peu près. Du coup, la même situation qu'avant. Un de les deux. Et doucement, on va commencer de rouler le buste vers la droite en même temps que la tête roule vers la gauche. Donc, on va. Et c'est important que les têtes roulent. Même si c'est tout petit, et c'est au même temps que le buste roule. Et après, le buste va revenir et la tête va revenir au milieu. Et après, le buste va partir vers la gauche et la tête vers la droite. Et ce petit jeu de direction, de roulement opposé. Un fois gauche, un fois droite, mais chaque fois la poitrine. Le buste roule la direction opposée de la tête. Et les mains peuvent encourager. Et la prochaine fois, on peut même imaginer que la tête a envie de regarder vers la main qui est derrière l'épaule. Donc c'est un peu comme tu as envie, même par exemple si tu es en train d'attraper ton épaule droite et tu regardes vers la droite, donc tu roules vers la gauche, c'est un peu comme tu as envie de regarder derrière ton omoplate. Si tu avais touché quelque chose là. Donc c'est comme tu as envie de lever l'épaule pour regarder derrière toi. Tu peux même essayer de vraiment regarder avec les yeux. Jusqu'à où je peux regarder sans forcer. Et après, quand tu vas sur l'autre côté, c'est la même chose. Tu essaies un peu d'encourager le buste d'aller dans une direction opposée de la tête, même si c'est tout petit. Et les yeux, essaient de regarder un tout petit peu en douceur derrière toi. Et de continuer, mais d'avoir l'idée que les yeux maintenant, ils ne regardent pas vers derrière toi et vers le bas, mais ils regardent un peu vers le, au-dessous de la tête. C'est toujours la direction opposée, mais peut-être que la tête va passer de regarder le dos, mais c'est une espace vers le mur derrière toi. Au-dessous de ta tête, c'est le mur au-dessus de ta tête. C'est une autre direction de... Et ça peut être petit. Ça peut être une petite change. Et on va changer quel bras est en haut. Et quel bras est en bas. On continue un petit peu. Et de mettre un peu dans la conscience la manière que les pieds et le bassin appuient au sol. Est-ce qu'ils allaient, est-ce qu'ils participent, est-ce qu'ils... Et de même de faire participer. Donc si tu sens une petite participation, tu fais un peu plus. Pour que ça fait partie de votre manière de faire le mouvement. Et de la prochaine fois que vous passez au milieu, de faire une petite pause et de commencer de nouveau de rouler la tête dans la même direction du buste. C'est-à-dire que le buste vers la gauche et la tête vers la gauche, le buste vers la droite et la tête vers la droite. Mouvement dans la même direction. Et de même de rouler le bassin un peu avec dans la même direction. Ça veut dire quand tu roules vers la gauche, le pied droit peut même appuyer un petit peu. Et là, même les genoux peuvent basculer un petit peu vers la gauche, ou même avec le buste. Et quand tu allais vers la droite, tout va aller vers la droite. Doucement, et les mains sont là pour être confortables, pour accompagner la respiration. Et ça peut aussi même attraper, comme je dis, le cervical, ou la jonction entre le cervical et les épaules. Ok. Et si vous voulez d'aller un peu plus vite, vous pouvez ou reste à une vitesse plutôt lente, comme vous préférez. Ça peut être, si c'est joyeux et confortable, vous pouvez faire un petit bloup, bloup, bloup sur le côté. Laissez ça et d'allonger les jambes, les bras. Portez votre attention sur la longueur de la colonne vertébrale et de manière que le dos est étalé et levé de la sol. Et de doucement de rouler la tête un petit peu vers la gauche et la droite, juste très doucement. Et de même ouvre la bouche un petit peu et de faire glisser la mâchoire un petit peu vers la gauche et vers la droite. La tête peut aller avec un petit peu. Et avoir la mâchoire aussi un peu pour voler. Ok. Et de laisser ça et de plier les jambes. Et de croiser les jambes droites sur les jambes gauches. Et de comme de tester un peu ce mouvement par rapport avec les débuts, on bascule les jambes vers la droite, vers le sol, vers la droite, doucement. Et de basculer les jambes vers la gauche, même de sentir la forme que ça fait avec les colonnes vertébrales, jusqu'à où tu sens ce mouvement. Revenir au milieu. Vous pouvez changer le croisement des jambes et de faire une petite bascule vers la gauche et vers la droite. Et vous pouvez aussi orienter des mouvements vers une question personnelle aussi, dans le sens que est-ce que comment je sens une partie de moi qui est particulièrement important pour moi en ce moment, qui participe dans ce mouvement. Laisse ça et allonger les jambes au sol. sensation de votre contact au sol. Le bassin, bas du dos, quelle partie de cage thoracique ou dorsale sont posées au sol. Le contact avec le cervical, ou l'espace entre le cervical et le sol, et la manière dont la tête est posée. Rouler sur le côté et se mettre debout. Quand vous arrivez debout, d'aller sur le plancher pour avoir un sens de plancher et de laisser le pied au sol, voir comment vous êtes organisé sur les pieds maintenant. Marcher un petit peu.